Est-ce que de se désidentifier peut amener à une forme d'identité? C'est parce qu'il y a une fausse identité souvent. La personnalité subjective qui est engendrée par le jeu subtil entre l'inné et l'acquis, c'est pas réel, ça, c'est circonstanciel. Donc, à mesure qu'il y a une conscience intégrale qui se développe, qui est capable de brûler de la subjectivité, ne serait-ce que par une vue objective, par la création d'un espace objectif, c'est ça la création d'une identité réelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir une capacité intégrale de voir l'irréel. Il va y avoir, l'ego va se voir lui-même puis se dépolluer lui-même par un espace qui n'est pas lié à de la subjectivité, dans le sens que c'est un peu comme quelqu'un qui finit par comprendre pourquoi il est alcoolique puis il cesse de boire parce qu'il a intégré le conflit. Ça, c'en est le début d'une identité réelle. C'est la même chose, c'est le même processus, mais à une échelle plus grande. Donc, est-ce que tu poses des questions au plan systémique? Ben oui. C'est comme ça que j'ai eu mon roux. J'ai reçu des tapes dans le dos puis j'ai donné un roux.